L'intelligence musicale rythmique. L'intelligence musicale constitue l'aptitude à penser en rythme et en mélodie, de reconnaître des modèles musicaux, de les interpréter et d'en créer. Les musiciens possèdent celle-ci, plus ou moins développée, selon les études musicales. Il reste cependant des exceptions, des personnes ayant développé cette intelligence musicale rythmique sans aucune aide, souvent suite à une enfance aux côtés de personnes douées musicalement.